14 pistes. 14 pistes. Mais moi, après, c'est quoi? Il faut trouver. Faut trouver la piste de piano. Oh putain, quoi ce bordel? Il faut trouver la piste de piano. Je sais pas où elle est. C'est pour ça que ça demande un peu de temps. Enfin, moi, ce qui est comme ça, je crois. Après, tu mets. Ah, alors, attends, j'ai une idée. On peut partir de. C'est qu'il va mettre toutes les pistes d'un coup. Ça risque d'être le bordel. Faut que je trouve la piste piano. Et comme c'est pas marqué, bien sûr. Ok. Wow, il m'a tout mis sur le piano. Voilà pourquoi ça s'en sent pourri. Voilà, ça marche pas parce que il faut la piste piano. Donc il faut que je trouve la bonne piste. Vous avez toutes les pistes. Merde. Comment? Putain. Le roi d'informatique. Alors là, il faut avoir de la chance. Attendez. Attends. Sinon, il y a possibilité de mettre. Ça, c'est la basse. Ça, c'est la basse. C'est quoi ça? Ça peut durer très longtemps, vous voyez. Piano là.